J'ai bien saisi tes yeux. Là-bas, y'a rien que beaucoup de mystère en toi. On lit ton visage plein de nerfs plombé, ton dos à demi dérobé, courbé. La voix, la voix.